Le mot pour dire tard est tarde. Tarde. T-A-R-D-E. Tarde. C'est tard. Donc, très tard, ça sera... Muy tarde. D'accord. Donc, il est très tard. Es muy tarde. C'est ça. Es muy tarde. Pour dire plus tard, plus se dit más. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans l'expression más o menos. Más o menos veut dire plus ou moins. Más veut dire plus. Más, M-A-S, avec un accent aigu sur le A. Et O, au tout court, c'est ou. Et menos, M-E-N-O-S, c'est moins. Donc, más o menos veut dire plus ou moins. Más o menos s'utilise beaucoup dans le sens de environ, à peu près. Más o menos, donc, más, c'est plus. Et plus tard, c'est más... Más tarde. D'accord. Más tarde. Plus tard. Et comment direz-vous « je vais venir plus tard » ? Voy a venir. Venir. C'est effectivement le même mot qu'en français, mais comment ça se prononce en espagnol ? Venir. Venir. Venir. C'est ça. Avec le V qui se prononce B. Venir. Plus tard, plus se dit Mas. Mas. Tarde. C'est ça. Voy a venir más tarde.